Ich habe die neueste Sendung von meinem Vater gesehen. J'ai vu la dernière émission de mon père et je mets donc en pratique ce qu'il a dit. Après avoir entendu les informations, j'ai senti ma gorge se serrer, comme mon père l'a décrit dans son émission. Je préfère transformer l'énergie de ma frustration de manière positive et créer une émission. Les scientifiques indépendants du secteur pharmaceutique ont sonné l'alarme pendant de nombreux mois et essayé de protéger la population mondiale menacée contre le danger mortel des vaccins contre le Covid-19, mais sans aucun succès. La politique, l'industrie pharmaceutique et les médias leur ont catégoriquement refusé tout accès au public, les ont diffamés, censurés et ont même incriminé leurs études spécialisées. Et maintenant, parmi les centaines de milliers de personnes vaccinées contre le Covid, nombre d'entre elles souffrent déjà des effets secondaires les plus graves, tombant comme des mouches, de sorte que même les médias mainstream ne peuvent plus faire autrement que de parler des dommages les plus avérés. Ce que la radio SRF1 a annoncé aujourd'hui dans les informations de 7 heures est absolument invraisemblable. Et plus grave encore, la même radio a répété une heure plus tard la même information de façon dissimulée, nouant ma gorge immédiatement pour la deuxième fois. Voici le texte des informations de 7 heures, 27.02.2021, SRF1, nouvelle de 7 heures. L'autorité des médicaments Swissmedic a rapporté qu'environ 750 000 doses de vaccins ont été administrées en Suisse. Apparemment, il y a eu un total de 95 déclarations d'effets secondaires graves. 16 personnes sont décédées à des intervalles différents suite à la vaccination. Swissmedic a stipulé qu'il n'y avait aucune indication évidente que la vaccination était la cause des décès. Selon l'état actuel des connaissances, les pathologies préexistantes ont conduit à ces décès. Quand j'ai entendu cela, je n'arrivais pas à le croire. Comment diable se fait-il que la cause des décès après une vaccination Covid soit imputée aux pathologies préexistantes et que dans le cas des décès dus au Covid avant la vaccination Covid, des pathologies préexistantes n'aient pas du tout été mentionnées ou prises en compte? Je me demande pourquoi on ne parle pas précisément des pathologies préexistantes des personnes dont on dit qu'elles sont décédées du Covid et pourquoi ces pathologies sont même intentionnellement dissimulées. Dites-moi, Swissmedic et Radio SRF, qu'est-ce que vous mijotez? Qui vous a donné l'ordre de dissimuler la même information lors des nouvelles de 7 heures et de 8 heures, de telle sorte que le rapport entre la vaccination Covid et les effets secondaires mortels soit caché? Vous avez encore dit à 7 heures, je cite, « 16 personnes sont décédées à des intervalles différents après la vaccination ». Et dans le journal de 8 heures, vous dites, je cite, « Cependant, il n'y a aucune indication que la vaccination ait été la cause des décès ». Vous entendez ça? Ma gorge se serre encore. Aucune indication. Pensez-vous qu'il n'y a aucun rapport lorsqu'immédiatement après la vaccination Covid, des personnes subissent en masse des effets secondaires graves ou qu'elles aient des dommages collatéraux permanents et même qu'elles décèdent? Je ne peux pas le croire. Vous n'avez pas dit un mot à propos de tous les effets secondaires qui risquent de survenir à court et moyen terme ou ultérieurement. Mais lorsque tout à coup, il y a tant de décès et d'effets secondaires graves qu'on ne peut plus cacher la catastrophe, voilà que soudainement, on en parle. Au moins, dans les nouvelles de 7 heures, il a été mentionné que, je cite, selon les connaissances actuelles, des personnes sont décédées à cause de pathologies préexistantes. Fin de citation. Laissez-moi récapituler. Tout à coup, vous, les médias liés à l'industrie pharmaceutique, vous savez que ces personnes vaccinées contre le Covid sont mortes dans le cadre de cette vaccination parce qu'elles avaient déjà des maladies préexistantes et qu'elles seraient mortes de toute façon. Mais jusqu'où peut aller la négligence? Je vous le demande. Est-il même permis d'administrer de tels cocktails de poison à des personnes ayant de graves maladies préexistantes? Je répète, en ce qui concerne toutes les personnes qui ont le Covid, on ne pouvait à aucun moment et d'aucune manière faire le lien avec les maladies préexistantes. Jusqu'à ce jour, c'est inconcevable. Par conséquent, depuis le début du Covid, il n'existe pas un seul tableau comparatif public indiquant en détail, par exemple, le pourcentage de personnes qui souffrent des formes annuelles classiques de grippe ou de diverses maladies. Et en particulier, le pourcentage de patients atteints du Covid qui sont donc décédés uniquement en raison de leur âge ou qui souffraient déjà de maladies graves préexistantes. En dehors du Covid, il semblerait qu'il n'y ait plus aucune autre grippe ordinaire, plus aucune autre maladie, ni aucune autre cause de décès. Et avant tout, il ne faudrait surtout pas, pour l'industrie pharmaceutique, que les chiffres comparatifs entre les décès liés au Covid et les autres maladies soient diffusés publiquement. On attribue tout et n'importe quoi systématiquement et exclusivement au Covid, et je le ressens comme une pure tromperie à l'égard des gens. Oui, en fin de compte, c'est un génocide et un préjudice envers tous les peuples. Le voyez-vous aussi? Voilà, maintenant, j'ai dit ce que j'avais sur le cœur et le nœud de ma gorge s'est desserré. Faites de même. Ich bin Jan Henoch. Je suis Jan Henoch, cinquième enfant d'Ivo Sasek.